La seule qui m'a pas lâché, et ça depuis mes premiers pas. Maman, si je pourrais, je t'offrirais une maison sur la lune. Mais j'ai appris dans ce monde de chien que ce qui fait l'homme, c'est pas la thune. Pourquoi je donnerais ma vie? Et tu sais que mon frère, pareil, j'en ai marre tous ces problèmes. J'arrive plus à dire, j'aime mon cœur sans règle. Maman, t'es ma vie, t'es mon sang, je ferai tout pour toi, maman. Y'a des hauts et y'a des bas, quand tu vas pas, toi, mon cœur va, maman. Quand tu vas pas, toi mon cœur bat, maman. T'es ma vie, t'es mon sang, je ferai tout.